Tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse L'espionnage sur écoute, une série d'Amaury Chardot réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a des fantasmes et des clichés, des appareils photo miniatures, des identités troubles, des valises à double fond et des micros cachés. Parce que l'espion a toujours fait rêver et que 007 n'est pas immortel par hasard. Mais il y a aussi une réalité glacée et complexe. La guerre froide, le secret d'État, les conflits mondiaux, les enjeux politiques autant qu'économiques. Et tout au bout de ces tentacules, il y a des hommes et des femmes à l'identité cachée, au destin trouble et dont les motivations sont la part de mystère qui nous échappera toujours. Et auquel on peut désormais donner les visages de malotru ou de phénomène. Alors pour commencer, les personnages. Un haut fonctionnaire qui joue double jeu, un ancien ministre qui relie le passé à la lumière des faits, une fille passée après les idéaux de son père, un écrivain, un historien et un ancien des services qui détricote la pelote, des traîtres et des attachés culturels qui n'en sont pas. Ensuite le décor, l'école normale, l'ancienne Algérie française, les bureaux des ambassades, des rendez-vous discrets place de la République, des coups de téléphone avec mot de passe et même le mur de Berlin. Aujourd'hui, premier épisode, on est à Paris, Moscou, Alger et Berlin, dans un monde disparu. Le 23 août 1963, chérie, prépare-toi à un coup terrible. Je viens d'être arrêté sous une très grave inculpation et interné à la santé. Après une longue enquête menée par la DST, un fonctionnaire, M. Georges Pack, demeurant à Paris, a été écroué et inculpé du chef de divulgation de secrets militaires au profit d'une puissance de l'Est. Je n'ose te dire tout ce qu'il y a dans mon cœur pour vous deux, de peur de m'écrouler. Cette révélation a causé une vive surprise à Paris, car Georges Pack a fait une grande partie de sa carrière dans les cabinets ministériels. Au secrétariat général de l'OTAN, il s'occupait des questions d'information. Peu d'entre nous ne connaissait pas Georges Pack et je dois dire cette nouvelle absolument bouleversée la plupart des journalistes parisiens. Je cherche à m'accommoder de cette vie effroyable en pensant que Dieu me donne une occasion exceptionnelle et inespérée de faire mon salut. Mais je souffre cruellement d'être séparé de vous deux alors que je vous aimais chaque jour davantage. C'est réellement le cas d'école de l'espion insoupçonnable. Tous ceux qui le rencontraient étaient saisis par sa bonhomie. Il avait un visage un peu empâté qui ne reflétait pas l'acuité de son intelligence qui était comme une lame de couteau affûté. Il n'est pas impossible que dans quelque temps on te laisse me voir. Dès ton retour à Paris, prends contact avec M. Paul-Julien Doll, juge d'instruction auprès de la Cour de sûreté de l'État, ou avec Maître Alberneau, qui sera probablement mon avocat. Envoie-moi à la santé un mandat carte de 20 000 francs à mon nom, suivi des numéros 838-64-F-121. Envoie-moi aussi un peu de linge de corps et des vêtements chauds. Est-ce que vous étiez au courant des fréquentations de votre mari? Est-ce que vous saviez qu'il fréquentait plus particulièrement les milieux soviétiques? Mais j'ignorais absolument tout, et des fréquentations en général, et des soviétiques en particulier, j'ai encore peine à le croire. Je cherchais pendant 2 mois. Il habitait, si j'allais dire, au bout de ma rue. Et alors, je suis allé chez lui pour prendre le café, et on est resté 4 heures à parler de l'URSS, de la trahison, du communisme. Il me dit, oui, mais vous ne me citez pas. Si vous dites qu'on s'est rencontrés, je dément. Une affaire d'espionnage en France, et on peut le dire, la première affaire importante depuis la guerre. Chérie Isabelle, pour nous deux, car je ne sais pas quand je vous reverrai. Et surtout, élève-la en chrétienne, Georges. Oui, nous parlons depuis déjà 2 minutes des secrets et des mobiles. Mais qui était Georges Pack? Georges Pack, agent de la paix et du KGB. Amaury Chardot, Julie Béressy. De l'homme de l'ombre qu'il était, inconnu. Il pensait devenir le James Bond qui avait évité une troisième guerre mondiale et un conflit nucléaire. L'affaire qui éclate en France en septembre 1963 déchaîne les commentateurs. Ainsi, pendant 20 ans, une taupe de l'Est s'était dissimulée au cœur de l'appareil d'État. Derrière la silhouette bonhomme de Georges Pack, fonctionnaire ministériel réservé, voire effacé, apparemment homme de droite, se cachait une oreille à l'affût. Journaliste et fonctionnaire de la DST enquête. On interroge sa femme, ses anciennes relations de travail, ses rares amis. Émerge alors un autre portrait, celui d'un homme hypermnésique, capable d'entonner par cœur plusieurs centaines de chansons la nuit dans des bars parisiens. Parmi les airs préférés de ce maître chanteur, le Così fan tutte de Mozart. Si chez Mozart, la trahison ne parle que d'amour et de divertissement, chez Georges Pack, elle tend vers un autre idéal, autrement plus vertigineux, éviter à tout prix un autre conflit mondial. C'est en tout cas ce qu'il racontera aux enquêteurs de la DST, puis à la barre de la Cour de Sûreté. Jamais la voix de Georges Pack n'avait été jusqu'alors donnée à entendre. Grâce à un enregistrement inédit, voici donc le récit d'une trahison où se mêlent idéalisme, orgueil et dissimulation, et qui constituerait à ce jour la plus grave pénétration du KGB en France. Voilà, vous dites ce que vous voulez. Je suis né à Chalon-sur-Saône le 29 janvier 1914. 1991, Georges Pack se confie au dictaphone de l'écrivain Charles Benfredge. Mes parents tenaient une boutique de coiffure pour hommes. Nous habitions à ce moment-là dans un appartement, dans deux pièces qui étaient contiguës au magasin de coiffure, rue Pasteur, au centre de Chalon. Dans toute mon enfance, j'ai vécu avec cette idée qu'il fallait travailler le plus dur possible pour arriver. Arriver à quoi ? Vraiment milieu très populaire, très humble et bon. Certainement pas fortuné. Charles Benfredge. Il fait ses études au lycée de Lyon. Il vient en cagne à Paris. Et il intègre très jeune, d'ailleurs, Normal Sup. On est en pleine Troisième République, là. On est chez les Hussards Noirs. C'est l'alliance du, pas du sabre, mais de la règle de l'école et du goupillon pour aider un enfant à s'en sortir. Pierre Assouline, romancier. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé rue d'Ulm, à Paris, à Normal Sup. Et il fera une agrégation d'italiens. C'est pas seulement pour le diplôme qu'il fait Normal Sup. C'est aussi qu'il se fabrique un carnet d'adresses pour l'avenir. Il est le cas type de l'ascension républicaine, parce qu'il part de petit salon de coiffure de province pour devenir ce qu'il aurait pu être. Il aurait pu être ministre. S'il avait été plus entreprenant, plus d'entre gens, s'il avait été plus diplomate aussi, surtout, il n'était pas diplomate, il aurait certainement pu avoir une carrière ministérielle. Et donc, tout d'un coup, il est immergé dans un bouillonnement intellectuel, et surtout ce bouillonnement de l'avant-guerre, qui était très politisé. Et lorsque vous étiez avec vos camarades, est-ce que vous refaisiez le monde à Normal ? Non, non. Je n'étais pas très politisé. Vous n'étiez pas séduit par le communisme. Il y avait un petit groupe de communistes militants pour lesquels j'avais une certaine sympathie, mais pas spécial. Jamais l'idée ne vous a effleuré de vous engager. Pas dans un parti politique. Le seul engagement que je pouvais faire, c'était l'engagement dans des groupes de catholiques de gauche, des actions de charité. Et il va se frotter à un univers qu'il ne connaissait pas, dans lequel il s'est senti très rapidement comme un poisson dans l'eau, mais un poisson étranger. Et c'est peut-être ce qui l'a conduit à manifester cet excès de courtoisie, parce qu'il se sentait peut-être obligé, comme les nouveaux convertis, d'en faire davantage que les autres qui étaient dans le sérail. Et puis, il va rencontrer Viviana, qui est italienne, d'origine italienne, et qui va devenir son épouse. Quelques jours après son mariage, célébré le 22 juillet 1939, il part pour les Antilles. Voyage de noces qu'une bourse opportune lui permet d'accomplir. À la Guadeloupe, il apprend la déclaration de guerre. Pâques et sa jeune femme rembarquent aussitôt pour la France à bord du Bretagne. Mais le Bretagne est torpillé. Nous sommes partis en bateau. Notre convoi a été intercepté à la hauteur de l'Irlande par les sous-marins allemands. et de Bretagne était par le fond. Nous avons barboté dans l'eau pendant 6 ou 7 heures. Puis nous avons été recueillis, ma femme et moi, par 2 destroyers britanniques. Et nous avons été ramenés à Plymouth. Recueillis par un bateau anglais, Pack et sa femme sont en France le 8 septembre 1940. Am Grabmal des unbekannten Soldaten in Paris. Aussitôt mobilisé comme lieutenant d'état-major. J'étais officier, mais je n'avais pas d'armes. Alors j'ai récupéré un vieux revolver de mon père, que j'ai porté avec moi, avec beaucoup de prudence, sans savoir s'il n'avait pas de percuteur. C'est vous dire que j'étais bien armé. Georges Pack, après la débâcle de 1940, est nommé professeur au lycée de Nice. Mais l'atmosphère de la défaite lui pèse et il obtient un poste au lycée Lyautey à Rabat. Peu après le débarquement anglo-américain de novembre 1942 en Afrique du Nord... L'opération Torche. Torche, c'est un déclencheur, naturellement. Oui, oui, ah ben c'est le détonateur, parce qu'à ce moment-là, il se dit « Ah ben, je suis où il y a de l'action ». Georges Pack devient le directeur du cabinet de M. Jacquinot, ministre de la Marine. Je ne sais pas si c'est là, on va essayer. Ça, c'était sa période... Alger. Alger. La période Alger, 43, quand il est arrivé du Maroc. Un commissaire à la marine cherche un chef de cabinet. Il serait content d'avoir un normalien. Qu'est-ce que ça t'intéresse ? J'ai plutôt que de rien faire. Bien que la marine et moi, mon seul rapport, c'était mon naufrage. Le débarquement en Afrique du Nord, c'est le déclenchement pour Pack de la prise de conscience que la guerre n'était pas finie, qu'il pouvait avoir un rôle à jouer en venant à Alger, où on l'a incité à venir, et où, croyant qu'on allait peut-être lui conférer des responsabilités, il s'est aperçu qu'on le cantonnait dans une petite radio à faire des chroniques d'un intérêt très relatif. Une radio qui est censée émettre en France, paraît-il, mais que personne, je crois, n'a jamais entendu. On est à Alger vers la fin de la guerre et un jour il doit consulter pour une maladie tout à fait anodine un médecin et on lui conseille d'aller à Bab El Oued où il y a un médecin qui s'appelle le docteur Imek Bernstein. Et on lui dit tu verras c'est un homme assez extraordinaire. D'abord c'est un bon médecin, ensuite il a beaucoup de charme, un vrai charisme. Et puis c'est un ancien des brigades internationales, donc c'est une sorte de héros. Donc il va le voir, il sympathise. Ils sympathisent et à terre en scène qu'ils se revoient pour déjeuner, pour prendre un café. La confiance s'installe entre eux. Un jour, Imek Bernstein n'hésite pas à lui dire « Est-ce que je peux vous recommander à un de mes amis qui aimerait vous connaître, qui est très cultivé comme vous et qui s'occupe de la culture à l'ambassade soviétique, etc., qui est notre allié, n'est-ce pas ?» Il dit « Oui, bien sûr. » Et il rencontre un homme qui s'avère être évidemment sous couvert de conseiller culturel à l'ambassade soviétique à Alger, l'officier traitant du KGB, un chef d'antenne du KGB. Goussovski. Goussovski. Alexandre Goussovski, voilà. Dont il ne sait pas quelles sont les véritables fonctions, mais qu'on lui présente comme étant un russe et qui lui demande un certain nombre de services. Mais au départ, il n'y a certainement pas chez Pack l'intention de trahir. Goussovski a l'intelligence de ne pas trop brusquer les choses. Il lui dit, il bavarde, il dit, mais alors, je ne sais pas, mais dans vos ministères, là, Alger, vous envoyez des gens, alors qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils pensent de Staline ? Alors, il dit, oh, Staline, alors, il bavarde comme ça, ce n'est pas du tout l'espionnage, c'est la conversation amicale. Il lui livre des impressions sur le personnel politique français qui s'apprête quand même à prendre le pouvoir à Paris, qui pour l'instant ronge son frère Alger. Mais c'est des ministres et des futurs ministres. Et ça n'est que, plus tard, une note qu'il va avoir sous les yeux, dont on n'a pas retrouvé trace dans les archives. Cette fameuse note de la BCRA, voilà. L'ancêtre des services extérieurs français. Voilà. Suffisamment explicite sur le fait que, après avoir battu l'Allemagne, il fallait continuer la guerre contre les soviétiques. On ne pouvait pas accepter que les soviétiques, qui étaient nos alliés à l'époque, puissent triompher avec nous. Un jour, je vois passer un échange de lettres entre Eisenhower et Eden. Ce texte disait en gros que les choses se présentaient assez bien en Allemagne pour le moment et qu'on envisageait le moment où une jonction allait pouvoir se faire entre les armées alliées, entre les deux fronts alliés, celui de l'Ouest et celui de l'Est. Que ressentez-vous à ce moment-là? Pouvez-vous le cacher? Je suis épouvanté à l'idée qu'on allait continuer cette guerre dont tout le monde espérait la fin, et de surcroît la continuer contre nos alliés. Il est outré. Il en parle à Gouzovski et il lui dit « Voilà, j'ai vu ça, il faut que vous le fassiez savoir. » Et c'est à partir de là que tout commence. Je ne crois pas que Pâques ait l'esprit souterrain. C'est un homme d'aspect clair, une figure qui sourit, qui est franche, le regard qui porte bien en face, qui vous arrive droit dans les yeux. C'est l'envers d'un homme secret. Vous savez, l'image qu'on se fait de l'agent secret, enfin... Côteleux, adroit, habile, dissimulé, tortueux, ce n'est pas le cas de Pâques. Il a de l'humour, il est direct, il est gai, c'est un homme séduisant, mais qui certainement n'a pas les aspects, en tout cas classiques, de l'agent secret. 1944, il rentre à Paris. Oui, il va avoir une carrière ministérielle qui va durer un certain nombre d'années sans relief. Et le seul intérêt... pour les soviétiques à ce moment-là, le seul véritable intérêt de Pâques, c'est de leur fournir ces fameux portraits, les 250 personnalités qui comptaient dans la vie politique ou intellectuelle française, qui vont permettre aux soviétiques d'avoir une véritable photographie de chaque personne. Parce que à l'époque, les hommes politiques sont neufs. Ils sont issus de la résistance, mais ils n'ont pas un passé. Donc, on ne sait pas qui ils sont. On ne connaît pas leurs idées. Et donc, il faut savoir à qui on a affaire. Et Pâques va être cet appareil photographique qui va évoluer dans toutes les sphères du pouvoir, de ministère en ministère, de l'opéra aux salles de concert, des dîners en ville aux séances de travail interministérielles. Et il va, avec un œil de grande acuité, cibler parfaitement chacune des personnalités qu'il va avoir l'occasion de rencontrer. En vue de leur éventuel recrutement. Recrutement ou instrumentalisation. Parce que si l'on sait que quelqu'un adore la peinture impressionniste. Bon. Il y a une exposition au musée de l'Ermitage de peinture impressionniste. On invite cette personnalité, son épouse ou sa maîtresse, à venir assister au vernissage en présence de tous les officiels. Ces personnes sont enchantées et on y va. Mais on ne sait pas qu'on est écouté dans sa chambre d'hôtel. On ne sait pas qu'il peut y avoir une petite jeune fille à corte qui va venir border leur lit avant qu'ils s'endorment. Progressivement, il va lui demander des choses de plus en plus intéressantes. Et au bout de quelques années, enfin très rapidement, il lui demande des documents. Il ne lui demande pas que des impressions. Si vous pouviez, parce que ça serait plus clair, plus net et plus précis pour nous, prendre ces documents et vous nous les apportez, mais on vous les rend le soir même. Et là, Georges Pâques a le sentiment qu'il bascule quand même. Il bascule dans quelque chose, qu'il ne veut pas appeler la trahison, l'espionnage, etc. Mais il ne peut pas faire marche arrière. Il a un peu peur et en même temps il est grisé. Et il y a cette conviction de faire l'histoire. Extrait de la confession de Georges Pâques, rédigé le 12 août 1963 dans les locaux de la DST. Alexeïev et Trichine m'avaient souvent demandé de photographier moi-même les documents. Mais je suis un piètre photographe. J'essayais avec un Leica sans obtenir de bons résultats. Ils me remirent alors un appareil en forme d'étui à cigarette, muni de roulettes, qu'il suffisait, paraît-il, de passer sur les papiers. Là encore, je ne réussis pas bien. On en revint donc à la méthode la plus simple. J'emportais à midi les documents dans une serviette, je les remettais à celui qui m'attendait avenue de Breteuil, et il me les rendait après déjeuner, après avoir photographié lui-même. Nous fixions alors un autre rendez-vous pour une autre fois, sans documents, afin de pouvoir discuter tranquillement. C'était généralement à 21h à une station de métro. Nous marchions ou nous entrions dans un café voisin. Il était entendu que si nous venions à nous manquer, le rendez-vous était reporté au 10, 20 ou 30 du mois, à la sortie du métro République, rue du Temple. Enfin, en cas d'urgence, si j'appelais à l'ambassade M. Vago, ou si j'étais appelé par M. Gracia, cela signifiait que nous devions nous retrouver le soir même au métro République. C'est même une des choses qui l'a peut-être le plus amusé. Pâques aurait voulu que sa vie fût un roman. Cette époque-là a dû être pour lui, en dépit de ce qu'il a dit, parce qu'il a raconté à satiété qu'il avait horreur de la dissimulation, du secret, du mensonge. En réalité, ça devait l'amuser, l'exciter, et je pense que d'une certaine manière, il poursuivait les canulars de l'école normale. À chaque fois, on lui donne des rendez-vous dans des églises, comme il pratique beaucoup. C'est un croyant et pratiquant. Ce n'est pas normal qu'il aille à l'église à l'heure du déjeuner pour se recueillir. Donc, à chaque fois, des églises différentes, et à chaque fois, selon des codes et des rituels un petit peu différents. Vous imaginez la tension nerveuse. Esprit très brillant, semble-t-il. On le verra ensuite dans de nombreux cabinets ministériels des gouvernements Bidault, Maillère, Laniel et Mendès-France. En 1958, il dirige un service d'action psychologique à l'état-major de la Défense nationale. Donc pendant mon service militaire, j'étais en effet à l'état-major de la Défense nationale aux Invalides. Pierre Jox. On est très exactement en juillet 59. Il y avait un civil qui était PAC, qui était agrégé de l'université, normalien, un type assez sympathique, bonhomme, cultivé. Je ne sais pas s'il fumait la pipe, mais il avait un côté commissaire Maigret, comme ça, bienveillant, plutôt à droite. Et il était apparemment très anticommuniste. Et il disait que l'Algérie serait évidemment indépendante, que c'était fort regrettable, mais que c'était inévitable, comme tous les pays d'Afrique les uns après les autres, et qu'elle deviendrait communiste. Il était bizarre. Alors il était d'autant plus bizarre que je ne savais pas très bien ce qu'il faisait. Il avait accès à quel type de pièces alors ? Je ne sais pas. En réalité, la section, la division de l'information, c'était la division de la propagande ou de la contre-propagande. Toutes les sources de renseignements pouvaient, sous forme de synthèse, selon l'importance, être données à MGDN. Alors, d'autre part, un fonctionnaire qui était affecté là pouvait, par relation, déjeuner au mess, avoir remonté dans des filières, quoi. En 1961, il est nommé directeur d'études à l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Enfin, dernier poste de haute confiance, Georges Pack est nommé directeur adjoint des services de presse de l'OTAN. C'est certainement au moment où il est entré à l'OTAN où les choses ont dû devenir pour lui extrêmement compliquées. Là, il va donner des documents photographiés. C'est plus la même chose. On entre dans une autre dimension. On commence à voir dans l'autre camp, celui où il n'y a pas d'homme libre, des oppositions terribles. On en est où de la guerre froide ? De Gaulle est président de la République. Donc par rapport au régime précédent, il y a un régime plus fort, plus stable. Claude Faure, ancien du SDEC. Ce qui est important pour la France, c'est sur le plan international, la guerre froide est quand même à son apogée. En Europe, en Amérique centrale et un peu en Asie avec la Chine où il y a des tensions entre la Chine et l'Union soviétique. D'autre part, il y a en Russie, il y a les services KGB, GRU qui, après l'épuration qui a été faite par Staline à la fin des années 50, dans les services, ils veulent reconstituer leur cheptel d'informateurs, renforcer leurs membres en Europe. Et bien sûr, la France est une plaque tournante de l'espionnage soviétique en Europe. En France, il y a eu dans les années 50 plusieurs tentatives de pénétration des services eux-mêmes par l'ancêtre du KGB, le NKVD ou le GRU qui existait déjà. Il y a donc des tentatives de pénétration des services, mais également recrutement d'hommes politiques, pénétration dans les cabinets. Et donc la DST a appréhendé plusieurs de ces personnes dans les années 50 et les a renvoyées très discrètement. Georges Pack intègre l'OTAN en octobre 1962 comme chef adjoint du service de l'information. Muni de l'accréditation cosmique qui lui donne accès aux renseignements les plus secrets, il est surtout porteur en lui-même d'une fierté, celle d'avoir peut-être joué dans l'ombre, l'année précédente, une partition décisive dans la crise de Berlin. John Fitzgerald Kennedy, 23 août 1961. Nous sommes conscients, comme l'a souligné le vice-président, que nous allons traverser des semaines et des mois compliqués afin de maintenir la paix à Berlin-Ouest. Mais nous la maintiendrons. La crise de Berlin, on est au bord du gouffre. Berlin a été partagé en 4 zones, 3 zones alliées et 1 zone russe. Et tout fonctionnait à peu près normalement, jusqu'au moment où les gens de Berlin-Est, donc zone soviétique, se sont mis dans l'idée de passer à l'Ouest. Pour les empêcher de passer, eh bien, il est né cette idée absolument extravagante dans l'idée des Russes en août 61, c'est de construire un mur. Et donc, crise terrible, on est au bord de la guerre, et à ce moment-là, Pack voit des documents, des plans où il a l'impression, à la lecture de ces plans, que les Américains tendent en réalité un piège à l'Union soviétique, qu'ils favorisent les sorties de gens pour que justement ils réagissent violemment, et que réagissant violemment, ils soient obligés de faire venir des troupes. Les soviétiques. Oui. Alors, en ce qui concerne le dossier de Berlin, à ce moment-là, il s'est constitué à l'état-major une commission de travail qui recevait des documents français, mais aussi des documents émanant de l'OTAN. Ce qui fait que j'ai pu voir quelles étaient les mesures militaires envisagées pour forcer le mur. Pour l'abattre et envahir, et envahir la partie Est. C'est cela. Alors, en gros, ces mesures étaient les suivantes. Envoi de 2 divisions blindées contre le mur de Berlin. Le but était de provoquer du côté russe l'ouverture du feu. Après quoi, les Alliés se seraient donc autorisés à procéder à une riposte atomique. Dans les plans que Pack voit, il voit les villes qui sont visées, les ogives nucléaires braquées, et donc il sait que tel jour, en fonction de l'avancée des blindés, on va vitrifier, c'était le mot, vitrifier l'Union soviétique. Ça, c'est le plan Jack Pine. C'est le plan Jack Pine. Donc, le plan existe. En voilà un élément déclassifié il y a quelques années. Ah, je ne connaissais pas ce document. Comment l'avez-vous obtenu ? Top secret. Mémorandum pour le général Norstadt. Le groupe des ambassadeurs de Washington a envisagé les actions possibles que la RDA et l'URSS pourraient prendre dans le but d'interdire l'accès à l'espace aérien de Berlin. Ont été discutées les ripostes possibles à disposition des forces alliées. Vous devez urgemment étudier et proposer des recommandations relatives à l'expansion du plan Jack Pine qui incluront des ripostes graduées contre les aérodromes ennemis, les batteries antiaériennes, les sites de missiles et les installations terrestres. Chacune de ces actions ferait l'objet de décisions politiques séparées. 15 jours après avoir transmis copie de ce plan Jack Pine à son officier traitant soviétique, oui. George Pack entend, comme le reste du monde, Khrouchtchev reculer. Oui, reculer, céder, tout d'un coup, il change de pied. Alors, bien entendu, ça n'abat pas le mur. Mais il n'y a plus ce discours guerrier, on n'est plus dans la logique de guerre, et on discute. Bon, par conséquent, la tension redescend et la paix est assurée. Et George Pack ? Je pense qu'il pense que c'est grâce à lui que les choses se sont passées ainsi. Il a fait effectivement fléchir Khrouchtchev, qui certainement par ailleurs avait dû recevoir des informations corroborant celle-là. Ceci dit, moi je ne crois pas que les Américains aient eu réellement l'intérêt de vitrifier l'URSS, je ne le pense pas un instant, mais je pense en revanche qu'ils voulaient que l'URSS le croie. Ce qui n'est pas la même chose. Et ce qui fait, dans ces cas-là, passer Pack pour un pion. Mais c'était un pion. On pourrait même le définir ainsi, le pion sacrifié. Je pense que c'est un homme qui avait une grande ambition. Et très vite, il a eu le sentiment, dès le début de sa carrière, qu'il valait mieux que les ministres qu'il servait, qu'il était au-dessus de ces gens-là, et que pour des raisons sociales, car il vient d'un petit milieu, il ne pourrait pas accéder aux plus hautes fonctions qu'il méritait, parce qu'il n'était pas pistonné, il n'était pas un aristo du Quai d'Orsay, c'était rien de tout ça. Et donc, il a décidé d'être dans l'ombre, de rester dans l'ombre. Et ça, c'est l'intelligence de son premier officier traitant du KGB à Alger, d'avoir senti tout de suite, mais ça, ils avaient l'habitude, hein, ils étaient formés pour ça, chez cet homme, une frustration. ce qu'il a sans doute violenté mentalement pendant des années, c'était qu'il ne pouvait pas raconter ce qu'il faisait lui-même, puisque ce qu'il faisait était par essence secret, même sa famille, enfin sa femme en tout cas n'était pas au courant, je le pense. Donc il y avait certainement chez lui une forme de colère rentrée de ne pouvoir faire savoir ce qu'il avait fait. Et en fait, ça va durer 19 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Il ne s'est pas fait pincer et il a été pincé uniquement parce qu'un haut responsable du KGB a fait défection. Qu'est-ce qui se passe le 16 décembre 1961 à Helsinki, Claude Faure ? Un officier du KGB en poste à l'ambassade d'Union soviétique à Helsinki décide de demander l'asile politique aux États-Unis pour lui et sa famille, sa femme et sa fille. Washington est immédiatement dit, mais bien sûr, ça nous intéresse, donc nous allons l'exfiltrer vers les États-Unis. Cet homme s'appelle ? Golitsyn, Anatoly Golitsyn. C'est ce qu'on appelle l'affaire Topaz, c'est-à-dire... Jean Guinel, journaliste. Golitsyn prétend qu'il y a une source du KGB de très très haut niveau en France. On October 15th, at 11:45 a.m., the American ambassador to France drove to the Élysée Palace. Le 15 octobre, à 11h45, l'ambassadeur des États-Unis en France se présentait au palais de l'Élysée pour remettre au président de la République française une lettre personnelle que lui adressait le président des États-Unis. Dear Mr. President, in view of the exceptional gravity of the matter, Monsieur le Président de la République, I have felt it necessary to les circonstances étant d'une exceptionnelle gravité, je crois devoir m'adresser à vous directement et sans avoir recours aux communications diplomatiques en usage. Par les révélations d'un membre important des services secrets soviétiques qui vient d'obtenir le droit d'asile aux États-Unis, nous avons été informés de l'existence en France d'un vaste réseau de renseignements travaillant pour le compte de l'Union soviétique. Monsieur le Président de la République va vous recevoir. Golitsyn, quand il fait défection, balance aux Américains, voilà, il y a peut-être quelqu'un dans le gouvernement français, peut-être quelqu'un à l'OTAN, peut-être, on n'est pas sûr, et on trouve 15 noms. Et puis quelques mois après, la liste réduit, et puis finalement il n'y a que quelques noms, dont le sien. Alors comment procéder ? On a des éléments, les documents qu'ils ont transmis. Donc on essaie de voir... Qui a eu accès à ces documents ? On procède par élimination, on regarde. Donc ça prend énormément de temps, ça demande beaucoup d'agents, ça demande des tas de recoupements. Quand on a restreint la liste à une douzaine de noms, on ne peut pas faire des filatures de 12 personnes 24 heures sur 24. Ils n'ont pas assez d'agents, ils n'ont pas. Alors il faut choisir, alors ils décident. Pâques, ça ne donne rien. Et puis, un jour, Chalet reçoit une information... de quelqu'un dont il ne révèle pas l'identité, qui oriente vers Georges Pack tous les soupçons. L'information était qu'en réalité, il passe pour un homme de droite, mais ses convictions m'amènent à penser que c'est un homme de gauche. Il y a eu cette discordance qui m'a mis tout de suite la puce à l'oreille. J'ai dit, tiens, voilà un indice évident de duplicité. Marcel Chalet, ancien commissaire de la DST. C'est cet homme peut paraître aux uns de droite, à d'autres comme un homme de gauche, c'est qu'il est apte à une certaine duplicité. Faute de, si vous voulez, de raisons plus précises de s'intéresser à quelqu'un, j'ai pris sur moi de demander à notre section d'enquête de commencer immédiatement des filatures suivies de Pâques. Marcel Chalet a forcément été conduit par quelqu'un. Tant que nous ne savons pas qui était cette personne, nous ne pouvons pas imaginer si les Soviétiques l'ont volontairement, dès ce moment-là, livré au service secret français, comme on éteint un feu en sacrifiant quelques arbres pour faire des tranchées et arrêter l'incendie. Je ne sais pas. Nous y voilà. 19 ans après être entré en contact avec les Soviétiques, l'étau se resserre autour de Georges Pack. Nous sommes le samedi 10 août 1963 et notre homme, ce matin-là, se prépare à sortir de chez lui. J'ai déjà dépassé mes vacances en Grèce avec ma femme où nous avions voyagé pas mal. Au retour, j'avais rendez-vous avec un correspondant soviétique qui était M. Vlasov. Il avait été entendu que nous nous retrouverions à Feuchal. Donc, petit village, déjà. Petit village, près de Versailles. Oui. D'habitude, il reste chez lui le week-end à écouter de la musique. Ce matin-là, assez tôt, on le voit sortir avec une grosse serviette. Quittez donc votre appartement assez tôt, le matin, pour un samedi, pour vous rendre à ce rendez-vous. Oui. Et vous étiez, on le sait maintenant, déjà pris en filature par les inspecteurs de la DSP. Il le suit. Il le voit partir en autobus vers Saint-Lazare. Il prend un aller-retour pour Versailles. Et à Versailles, il prend un autocar et pour aller à Feucherolles. Petite bourgade des Yvelines, sans aucun intérêt. Il descend à Feucherolles et on le voit arpenter la rue, l'unique rue de Feucherolles. Vous avez rendez-vous, je crois, devant l'église. Et je n'ai vu personne arriver. Donc vous avez ensuite... Je suis allé déjeuner dans un restaurant voisin. Hein. De Feucherolles, en attendant, et puis vous n'avez vu personne. Il n'y a eu personne. Et un peu plus loin, juste en face, il y a une voiture en stationnement. Dans cette voiture, il y a deux agents de la DST qui ont des renseignements et qui attendent le moment propice pour le prendre en flagrant délit. Et c'est à ce moment-là qu'il voit surgir dans cette unique rue une 403 verte avec trois hommes à bord. Ça a tenu un hasard qu'un des fonctionnaires dans cette surveillance connaît cette voiture, une voiture verte banalisée qui n'avait pas d'immatriculation diplomatique. Nos inspecteurs avaient reconnu Krenov dans la voiture. Or, Krenov, nous le connaissions comme un personnage particulièrement important chargé de ce qu'on appelle le support des illégaux. C'est-à-dire les gens qui sont perdus dans la nature, qui ont été envoyés en mission en France, c'est une légende. Alors, la présence de Krenov dans la voiture nous suggérait qu'il s'agissait de quelque chose de très important. Et à ce moment-là, survient l'élément impondérable, il y en a toujours, c'est qu'une voiture de police, pour une affaire de droit commun, qui n'a rien à voir avec l'affaire PAC, qui arrive dans Feucherolles, les Russes voient arriver la voiture de police et filent. Pas de chance, on aurait pu le prendre en flagrant délit dans la voiture avec en train de remettre la valise de documents. Et puis, Pâques reprend son autocar, son train, son autobus, et il rentre chez lui, avec sa valise. Il y a un plan B, hein, qui était prévu au cas où l'agent serait grillé. Ce plan B n'avait jamais été mis en œuvre depuis 20 ans, et pour cause. C'était de partir tout de suite à Rome. Comme il est italianiste, pour lui c'est encore plus facile. De partir à Rome, de se retrouver dans une certaine église, et là, il aurait été pris en charge par les soviétiques qui l'auraient exfiltré vers Moscou. Il n'est même pas parti à Rome. Pourquoi ? Ça, je n'en sais rien. Le lendemain, il va à son bureau. Il range son bureau. Peut-être qu'il détruit au laminoir des documents. Je ne sais pas. Et il dira plus tard, dans mon bureau, j'ai eu une apparition. Le Christ m'est apparu et il m'a parlé. Une demi-heure plus tard, il sort de son bureau. Et il y a deux agents de la DST qui sont là, face à lui. Il les voit. Monsieur Pâques, oui, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Et il se rend tout de suite. Et il leur dit, je vous suis. Il monte dans la voiture qui file vers le ministère de l'Intérieur, enfin la rue des Saussets. Siège de la DST. Siège de la DST. Alors là, j'ai attendu un moment. Puis enfin, j'ai été mis en présence du commissaire Chalet. Alors Chalet m'a commencé par me dire, vous savez ce que nous faisons ici ? Je lui ai dit, oui, je crois que vous vous occupez des renseignements politiques. Il me dit plus que ça. Nous nous occupons de l'espionnage et du contre-espionnage. Et j'ai commencé immédiatement l'audition, moi-même. Vous-même, tout de suite. Oui, en tête à tête. Oui. Bien entendu, son appartement est perquisitionné, mis sous scellé et... arrive du courrier, et dans le courrier, il y a une carte postale, et la carte postale lui dit à peu près ceci, bureau fermé à partir de lundi, ou quelque chose comme ça, enfin, remballé, en quelque sorte, signé Gracia. Bon, ce qui était le moyen le plus évident de le marquer au fer rouge, parce que c'est un codage tellement enfantin que ça veut bien dire, vous êtes grillé, on ferme. Et ça a été très facile, puisque au bout d'une demi-heure, il m'a lui-même demandé un bloc de papier pour commencer à écrire sa confession. Sans une seule rature, un document superbe, très explicite. Et c'est là où, cas unique, je crois, dans les annales de l'espionnage, l'espion raconte par le menu le roman d'espionnage pendant 20 ans. L'histoire a commencé à Alger en 1944. Depuis 4 ans, nous vivions dans une atmosphère tendue et nos esprits ne se proposaient plus que deux buts, abattre l'Allemagne et préparer le monde dans lequel la guerre serait impossible. Je pensais que l'URSS... J'ai cru au début jouer après la victoire. Qu'un échange d'informations entre les Soviétiques et moi pourrait servir la cause de la paix. En vieillissant, je suis devenu beaucoup plus humble. Et je ne surestime plus la portée de mon action ni l'influence que je puis exercer. De plus en plus, dans mes conversations avec mes interlocuteurs soviétiques, il fallait toute la pression. Je n'étais plus le camarade avec lequel on travaille pour édifier un monde meilleur, mais un simple agent de renseignement. Georges Pack, l'espion français de l'OTAN, inculpé de trahison depuis plus d'un mois, mais dont l'arrestation n'a été révélée que depuis 48 heures, a subi son premier interrogatoire le 16 septembre. La tâche du magistrat instructeur se trouve facilitée par le fait que l'inculpé a rédigé à l'intention des enquêteurs une très longue confession écrite. Olivier Rouchon, je vous arrête parce que Jacques Février assistait cet après-midi à la conférence de presse que tenait Madame Georges Pack au domicile du défenseur de l'inculpé, Maître Nau. Un premier point est certain. Dans cette affaire, il n'y a pas d'argent. Et là, peut-être, demanderait à Mme Pack de vous décrire un peu la vie de son ménage, et si vraiment elle est compatible avec l'idée qu'on a pu se faire hier de versement d'argent venant de qui que ce soit. C'est délirant. C'est délirant, parce que... Comment est-ce qu'il y a d'aberrant? C'est dans l'idée de faire croire que mon mari a pu vendre quelque chose, c'est l'idée qu'il ait besoin d'argent. Or, ce n'est pas vrai. S'il en a de l'argent, tant mieux. S'il n'en a pas, ça lui est absolument égal, vous comprenez? Et ça lui est indifférent d'être bien habillé ou mal habillé, d'avoir un beau mobilier ou pas, il ne le voit pas. Alors, comment expliquez-vous que dans son mémoire, votre mari ait, paraît-il, déclaré qu'il travaillait pour les Russes depuis 1944? Mais je ne l'explique pas, ça me paraît ahurissant. Ils ont cherché à savoir s'il avait des comptes en Italie ou ailleurs. Ils ont voulu savoir comment il avait acheté son appartement. Ses comptes en banque ont été épluchés en long, en large, en travers. Ils ont tout regardé, ils ont fouillé partout. Et ils n'ont rien trouvé. Ils ont trouvé des sommes dérisoires, disons d'aujourd'hui peut-être 2000 euros ou 3, je ne sais pas, enfin des choses qui n'ont aucune signification. Aujourd'hui s'ouvre à la Cour de sûreté de l'État, présidée par M. Léris, un procès d'espionnage. L'accusé, Georges Pack, personnage complexe et déroutant, Frédéric Potcher, vous en fait le portrait. Étonnante carrière, d'un homme assurément remarquable et d'un commerce très agréable. Mais Georges Pack, dit-on, est un curieux personnage. Arriviste et insouciant, bohème et rangé, versatile et rigoureux, séduisant et déplaisant, ainsi le dépeignent nombre de ceux qui l'ont connu. Les Russes l'ont-ils entraîné dans leur compromettant sillage? Ou bien est-ce lui qui s'y est volontairement porté? Les juges de la Cour de sûreté de l'État devront en décider. Bien, nous commençons maintenant l'examen des différents chefs d'accusation. Le premier jour du procès, c'est extraordinaire, parce qu'il a, il a une superbe, il est bien dans sa peau, il pense que ce n'est pas un problème. Le deuxième jour, ce sont ses amis Normal Sup qui viennent témoigner en disant « mais c'est un ami, c'est... » Yvan Audouard, Louis de Guiringot. Yvan Audouard devient rédacteur en chef du Canard enchaîné. Louis de Guiringot, ministre des Affaires étrangères. Pierre Boutan, Maurice Clavel, grand philosophe médiatique. Ça compte, et ça comptera. Ils vont quand même tous venir à la barre, au procès, pour dire « lui, un espion, mais vous plaisantez. On le connaît depuis toujours, on fait des banquets avec lui, il chante jusqu'à pas d'heure, il peut vous chanter avec aussi fond de touté si vous voulez. » À quoi les juges répondent, c'est pas le sujet. Son procès a duré quelques heures, à peine. On n'a entendu aucun témoin véritable, aucun document n'a été versé au débat. Et c'est parce qu'il a tout avoué qu'on a pu le condamner. L'avocat général, qui s'appelait Caron, requiert la peine de mort. Et là, il tombe de très haut. C'est là qu'il y a une part de naïveté, d'illusion. C'est à la fois de la naïveté, de l'orgueil et le sentiment d'appartenir à une caste intouchable. Heureusement, la peine de mort n'a pas été prononcée, mais la réclusion criminelle à perpétuité. Il est condamné, il se retrouve en prison. Et en prison, ben, il va encore plus se rapprocher de l'Église, du Christ, de sa foi. Et il est soutenu, ce n'est pas un traitement trop sévère, il peut avoir beaucoup de livres. Mais quand même, il paye pour sa faute. Здравствуйте, меня зовут Изабелла. Я дочь Жоржа Пака. Я сейчас вам отвечаю. И очень рада была с вами познакомиться. Изабель Пак, fille de Georges. Mon père a été arrêté quand j'avais 7 ans. J'ai pu le voir en prison et j'ai su pourquoi quand j'ai 8 ans. Il était en prison, mais on m'avait expliqué que c'était un terrain d'aviation militaire. Mon parrain, une fois, m'avait dit « Tu comprends, ton père ne peut pas rentrer tout de suite, parce que tu vois les chevaliers, alors ?»« Bah oui. »« Bah, tu vois, ils font la guerre. » Je dis « Bah oui. »« Bon, ton père a fait la guerre, il a perdu. » Je dis « Ah ?» Il dit « Oui, alors, il est pour l'instant dans une forteresse. » Donc, j'y croyais, il n'y avait pas de raison que ça ne le soit pas. Et on ne m'avait pas dit pourquoi ni rien. Donc, il y a eu même un moment, je me demandais s'il n'avait pas tué Kennedy. J'essayais de comprendre pourquoi il ne revenait pas. C'était pas normal. Quand est-ce que vous apprenez la vérité ? Quand j'étais en pension chez les Bonnes Sœurs en 5e. Et j'ai vu le procès, j'ai vu les photos, et j'ai vu une photo de moi à 4 ans dans les journaux, et c'était horrible. Et quand on va voir son père en prison, alors qu'on sait qu'au contraire, il a sauvé le pays d'une catastrophe probable, bah, ça rend pas de bonne humeur, ça fâche. Et quand on se fait traiter de fille d'espion, ça fâche aussi. Mais mon père a toujours été un idéaliste chevronné, hein, pas tenté. Bien plus tard, quand j'avais mes enfants, parce que de temps en temps, j'avais quand même des bouffées de colère, et je lui ai dit, mais comment as-tu pu nous faire ça? Tu as quand même abandonné ta femme et ta fille. Pourquoi? Et il m'a dit, j'ai choisi l'humanité, et de toute façon, bah, s'il y avait une guerre, vous seriez mortes toutes les deux. Et c'est là que j'ai arrêté de discuter, parce que franchement, là, bah, les bras m'en tombent, moi. J'ai eu accès au dossier d'instruction de son procès. Donc j'ai compulsé tout ça. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il y avait à la fin de ce dossier deux rapports d'experts psychiatres. Et les deux avaient les mêmes conclusions. Cet homme a agi par orgueil, ajoutant avec parfois des crises de mégalomanie, mais avant tout par orgueil. Français, catholique, sincère, pratiquant, de droite, pourri d'orgueil. C'est un idéaliste, il veut rapprocher les peuples, il veut donner des... Voilà, c'est pas quelqu'un qui envoie les gens à la mort, il n'est pas en état. C'est une des grandes ressources des espions que de recruter des idéalistes. Archivina, 22 mars 1968. Georges Pack a également bénéficié aujourd'hui d'une mesure de grâce présidentielle. Georges Pack était ce haut fonctionnaire de l'OTAN qui avait été condamné à la réclusion perpétuelle par la Cour de sûreté de l'État en 1964. On venait de découvrir que, depuis la libération, Georges Pack espionnait pour le compte de l'Union soviétique. Au bout de quelques années de prison, Georges Pompidou, président, le tout premier dossier qu'il fait venir sur son bureau, c'est le dossier pour lui faire libérer Georges Pack. Donc tout de suite, certains journaux ont dit « Bah écoute, finalement, ce type-là, s'il n'avait pas été normalien, il serait toujours en tôle. » Ce qui n'était pas faux. Donc là, on peut parler d'un lobby normalien, oui. Nous en étions par conséquent à la fin de l'aventure judiciaire. Vous sortez en 1970, vous retrouvez votre épouse et votre petite-fille qui a grandi, puisqu'elle a une douzaine, 13 ans. Elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Et maintenant, je suis sorti. Et ma femme n'était pas là. Alors j'ai dit que ma fille pour me recevoir. Et après, on m'a traîné au restaurant, on m'a acheté une bouteille de Volnay pour fêter ça. À partir du moment où la police ou les services ont des aveux, ils ont l'impression que le dossier est bouclé. Or, il ne l'est pas. Les aveux peuvent justement servir à dissimuler des choses. Oui, il y a cette idée que Georges Pack a été cramé par le KGB. Oui, bien sûr, bien sûr. mais parce qu'on est dans les guerres psychologiques de la guerre froide où on s'intoxique, on se voilà, les Russes jouaient aux échecs extrêmement bien, faisaient des coups. Bien entendu, un village désert au mois d'août, un samedi matin. Il n'y a aucune raison, alors qu'il pouvait le faire à la gare Saint-Lazare aussi bien, sans l'oblige, sachant qu'il ne conduisait pas. C'est idiot. Tandis que Georges Pack, à l'issue de 7 ans de réclusion, retrouve la liberté, il y a un autre homme qui va se faire arrêter, Hugh Gambleton, un Canadien. Oui. Hugh Gambleton travaillait lui aussi pour l'OTAN, professeur d'université. C'est vraisemblablement lui que les Soviétiques ont cherché à protéger. Et c'est vraisemblablement pour qu'il ne soit pas arrêté que Pack a été sacrifié. Gambleton avait accès à des documents extrêmement confidentiels. Sa production était telle que les Soviétiques avaient installé à proximité de l'OTAN une grosse camionnette noire avec à l'intérieur des photocopieuses et tous les instruments de duplication des documents afin de faciliter la transmission des documents, ce qui montre un certain laxisme de la part des services de contre-espionnage français. Gambleton ne sera arrêté qu'en 1982. Donc, presque 20 ans plus tard. Malgré toutes les hypothèses qu'on peut faire et spéculations, je vous signale quand même qu'il est coupable. On peut toujours dire, il fallait un coupable, etc. Mais c'est pas de refus, hein. Et je veux dire qu'il a vraiment trahi. Il l'a reconnu. Les documents qu'il a passés, il les a vraiment passés, il les a vraiment volés. Le plan de l'installation, plan secret, de l'installation des radars de l'OTAN près de la Turquie, ah, c'est pas anodin. Le plan de défense occidentale militaire le long du mur de Berlin, c'est pas anodin. Il a vraiment été l'homme des Russes et du KGB pendant 20 ans à Paris. S'il fallait vous poser une question générale, après avoir fait tout ce retour en arrière, si c'était à refaire, difficile à dire maintenant que j'ai vu l'écroulement du communisme dans les pays de l'Est. À quoi l'attribuez-vous cet écroulement ? À l'échec du système ? Ou à sa mauvaise application par les hommes ? Sûrement la mauvaise application par les hommes. Ça, je suis sûr, je suis formel. Le système lui-même, j'hésite. Parce que je me demande si vraiment les idéaux communistes sont susceptibles d'une application humaine. Je l'avais cru pendant très longtemps. Et je crois que c'est une doctrine vraiment, vraiment inhumaine, pas adaptée à la faiblesse humaine. Elle suppose chez tous les hommes tellement de sens civique, de dévouement au bien public, de solidarité et d'honnêteté que j'ai bien peur qu'on n'arrive jamais à trouver le public nécessaire pour organiser cela. Le berceau du communisme, Georges Pack ne le découvre physiquement qu'après sa libération, à l'occasion de 2 voyages en Union soviétique dans les années 70. Là, il est reçu sans faste ni honneur particulier, signe peut-être d'une certaine gêne à son endroit. Il s'éteindra finalement en 1993 et repose au cimetière de Chalon-sur-Saône. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, que mon père était considéré comme un héros, etc. en Russie. Il semblerait que eux l'aient pas oublié. Avec Charles Benfredge, avocat et écrivain, Pierre Assouline, romancier, Isabelle Pack, fille de Georges Pack, Claude Faure, ancien du SDEC, Pierre Jox, ancien ministre, et Jean Guinel, journaliste. Un grand merci à Charles Benfredge qui a bien voulu mettre à notre disposition les enregistrements jusqu'alors inédits de ses entretiens avec Georges Pack et avec Marcel Chalet, ancien commissaire de la DST. Merci également à Rebecca de Nantes. Avec les voix de Philippe Laudenbach et d'Olivier Augron. Extrait du film « Le Serpent » d'Henri Verneuil. Documentation papier Corinne Chauvel, Archivina Annie Lozana. Prise de son Hervé Dubreuil et Laurent Lucas. Mixage Alain Joubert. Un documentaire d'Amaury Chardeau et Julie Bérécy. LSD, la série documentaire, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez nous mettre sur écoute, bibliographie, lien, nous podcaster pour l'interrogatoire ou nous réécouter de l'autre côté du mur, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Demain, deuxième épisode, DGSE, le renseignement à la source. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.